À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu des messages et lettres de félicitations des dirigeants des organisations politiques et sociales, des hautes personnalités politiques, sociales, militaires et économiques de divers pays comme Liban, Espagne, Népal, Malaisie, Bangladesh, Syrie, Cambodge, Russie, Chine, Cuba, Mongolie, Iran, Inde, Japon, Vietnam, Allemagne, Venezuela et États-Unis, ainsi que des représentants des institutions internationales, des organisations d'études et études jetées et des organisations de soutien à la réunification coréenne et d'amitié. Les destinataires ont noté que le président Kim Il-sung est le meilleur des grands hommes qui jouissait du respect et de la vénération inouïe dans l'histoire humaine pour ses pensées et théories géniales, leadership extraordinaire, personnalité et vertu infiniment affectueuses. Ils se sont exprimés convaincus que sous la direction clairvoyante du dirigeant suprême Kim Jong-un, le Parti du Travail de Corée et son peuple remporteront la victoire plus éclatante dans la lutte héroïque pour l'édification d'une puissance prospère socialiste. Par ailleurs, le comité central du Parti populaire cambodgien, le secrétaire général du Conseil national du Parti communiste indien et le secrétaire international du Parti communiste danois ont fait parvenir les messages de félicitations au comité central du Parti du Travail de Corée.